jazz, put a steel, put a star. Oh, oh, oh, oh, oh. Se laisser aller de temps en temps, décompresser. Ça c'est bon ça. Oublier les soucis et se libérer. Ça c'est bon ça. Comment profiter et ne plus parler de boulot. Oh, oh. Ça c'est bon ça. Oublie que demain tout revient à nouveau. Oh, alright. Moment de folie. Ça c'est bon ça. Se donner à fond tous ensemble, toucher le sommet. Ça c'est bon ça. Délirer, délirer jusqu'au bout de la nuit. Yo, ladies, ladies. Yo, pour le corps à corps, Ludo est d'accord. Mais c'est sans effort que je reste à bord. Oh oh. Put your hands up, my sister. Put your hands up, my brother. Put your hands up, my family. Et pour tous ceux qui sont dans la partie.